Une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kaina Samet. Passez une bonne soirée, bienvenue cette semaine, Kaina Samet. Un mois avant la sortie de l'album est là avec nous. Comment ça va, Kaina? Ça va super, et toi? Ça va, en pleine forme? Bah écoute, nickel, on est là, hein. Tout va bien? Super, franchement, ça me fait super plaisir d'être là. Gros bisous à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà, deuxième soir de Planète Rap. Deuxième soir. Voilà. Après une grosse soirée, un gros lundi. Ouais, un gros lundi. Pour annoncer un mois avant la sortie l'album qui sera dans les bacs, donc le 23 juin prochain. C'est ça, ouais, l'album. C'est Thug Wife. C'est Thug Wife, c'est le nom de l'album. Il sort le 23 juin. Et depuis hier, donc, on a pu annoncer qu'il était déjà en précommande, ouais, en fait. Et puis, hier aussi est sorti le titre Mon Paradis. Avec les images, le clip, ouais, qui est arrivé hier. Avec le clip aussi, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube officielle. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport à ce titre. Et puis les autres titres qu'on a fait découvrir auparavant, Bousillé, No Money. Donc voilà, ça se passe super bien. Bon, ce soir, ça va encore se passer super bien. Je vois un invité, on va en parler dans un instant. Ouais. Mais juste avant, on va se faire un petit retour en arrière par rapport à la journée d'hier. On va se rappeler ce qui s'est passé dans l'émission hier entre 20 et 21 avec Kaina. Écoutez ça. Okay, super. Une nouvelle semaine qui ouvre avec Kaina. Salut. Je suis super content de te retrouver. Mais moi aussi. Bah voilà. Ah bah regarde, tellement content qu'on, ouais, a coupé le micro. Ouais, j'ai dit, moi aussi, tu peux même pas savoir. Oh, oh, Kaina, sur Sky, il m'a bousillé, bousillé, bousillé. Tu as filé les premiers chiffres de ton numéro de téléphone portable, ouais, le numéro auquel tu vas essayer de répondre ce soir, tant bien que mal, ouais, au moins en message. On en était à 06 66 31 92 44, c'est, ouais, ça, hein, ouais, ouais, c'est ton, ça, numéro de téléphone. Allez-y, vous pouvez bombarder de messages. Voilà, jusqu'à la sortie de l'album, je vais l'avoir sur moi, je vais répondre quand je peux répondre, je vais envoyer des messages quand, ah bah c'est parti, ça sonne, bah c'est parti. Voilà, c'était hier soir, petit raccourci de l'émission d'hier soir. Ouais, avec ce portable que tu as devant toi, justement. Voilà, qui sonne encore, hein, je réponds si tu veux. Bah non, vas-y, réponds, tu veux décrocher là? Non, bah écoute, ouais. Non, tout pas à l'heure, ouais, bah vas-y, allez hop, premier appel. Allô? Kaina. Salut, en fait le son est super faible. Ouais, le son est super faible. Salut, on est en direct à Sky, ça va? Bienvenue, c'est qui? Ah, elle nous écoute. T'es une fille? Comment tu t'appelles? Ah, Robin, excuse-moi. Ah. Robin, Robin. Écoute, merci pour ton appel, Robin. Robin. Eh ben écoute, je te fais un gros bisou. Ben reste à l'écoute, hein. Gros bisous. Voilà comment ça se passe. Si vous voulez voir Kaina, vous appelez. Alors peut-être pas, parce que sinon ça va être chiant. Toute l'émission, ouais, si clair, tu décroches, ça va être compliqué. Mais à partir de 21h, elle sera dispo. Vous pouvez envoyer les messages aussi. Ça pendant l'émission. Allez-y, faites péter le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Est-ce que tu présentes ton invité tout de suite ou tu veux qu'on mette d'abord Mon Paradis et... Ben écoute, je voudrais d'abord qu'on mette Mon Paradis. Très bien. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, mm-hmm, et qui l'ont pas encore écouté, c'est un morceau qui me tient énormément à cœur. C'est un morceau très personnel, ouais. C'est vrai, ouais. Donc c'est Mon Paradis, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs et fermez les yeux. Et sauf si vous êtes en bagnole, faites juste gaffe. Ou alors mettez-vous sur le côté. Voilà. Allez, c'est parti, Mon Paradis, Kaina Samet, ça sort le 23 juin. L'album s'appelle Thug Wife. Sortie d'école, dans mon rêve j'écrivais des poèmes. Je me voyais te les chuchoter à l'oreille et je pensais pouvoir toucher les étoiles là-haut sur tes épaules. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid et ton ombre pourrait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie qu'on a vu d'or. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. Je me souviens de chaque sapin de Noël. Être auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Et tu seras toujours présent dans ma mémoire. J'ai ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Skyrock et c'est le Planète Rap avec Kaina Samet et ce morceau qui est donc disponible. Si on précommande l'album, on l'a tout de suite. Voilà, exactement. Donc, depuis hier, il s'appelle Mon Paradis, ce morceau. Voilà, donc l'album est en précommande aussi. Pour tous ceux qui n'ont pas l'info, il sort dans un mois, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander. Voilà, aujourd'hui. Et bah, allez cliquer tout de suite pour récupérer cet album de Kaina, vous ne serez pas déçus. Et vous n'allez pas être déçus aussi de passer la soirée avec nous, puisqu'il y a un invité, je crois qu'il est temps de le présenter. Ouais. Kaina, on en a parlé hier un petit peu. Ouais. D'ailleurs, une fois de plus, je crois que j'ai balancé hier soir en disant il sera invité, donc plus c'est plus. Pas, c'est pas très grave, mais c'est je un suis peu spécialiste évident. Là-dedans, ouais. dans toutes ces conneries. C'est pas grave, on t'en veut pas, Fred. J'espère. C'est une belle surprise en tout cas, il me fait l'honneur d'être là et voilà, je suis ravi qu'il soit avec moi ce soir pour dans mon Planète Rap. Et c'est monsieur Soprano qu'on ne présente plus. Voilà. Non, résident dans Planète Rap, bravo, on peut l'applaudir, il est là avec nous. Yeah, merci. Là, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que tu viens en fait. Il y a eu Révolution Urbaine. Ouais. Il y avait la section. Magic System. Magic System. Ouais, je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu es fatigué. Non, on enchaîne beaucoup parce qu'en fait, je suis beaucoup sur la promo du livre. C'est pour ça que je bouge un peu beaucoup. Et Kaina, elle est là. C'est ma sœur. Je suis là direct. Je suis monté direct. On a parlé de toi hier. Ouais. On a dit que tu étais dans le clip dans Écorché Vif déjà en 2006. Ah, 2005, ça fait longtemps. 2005. Ah, ça fait longtemps. 2005, tu étais déjà dedans sur les marches, assis. Voilà, j'étais assis avec un swag pétrifiant, mais bon. T'imagines. on était dans le clip. Ouais. Presque 10 ans. Ah ouais, non, mais. Ce clip. Même sur son premier album, je crois que j'étais le premier feat de ouais, l'album. Ouais, le premier feat de l'album. Besoin de renaître, un son que ceux qui me connaissent connaissent aussi. Donc Sopra, c'est une évidence, on s'est recroisés pour notamment les projets des psychiatres. Voilà. Et à partir de là, on se croisait, je lui faisais écouter un peu l'évolution de mes titres. Et puis de fil en aiguille. On a travaillé sur le projet. Quoi. Bon, ça c'est la connexion sudiste en même temps. Ouais, mais pas que. Hein. Franchement, des fois c'est géographique. Bon, j'avoue, il y a un petit pourcentage de géolocalisation. Voilà. Mais c'est surtout le cœur et voilà, on se ressemble. Franchement, je serais un rappeur, je serais soprano. T'as lu son bouquin Mélancolique Anonyme? Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le lire vu qu'il y a pas mal de promos, je sortais de studio. Je te l'envoie. Mais je l'achèterai. Parce que voilà, je suis sûr que il est plein de positivité et voilà, ça doit booster et il a une histoire aussi qui est la sienne et qui peuvent parler à plein de monde, donc voilà, j'encourage en tout. Enfin, je connais la personne, donc j'imagine le contenu du livre. Donc merci. Et Sopra qui nous disait sur le morceau là, Mon Paradis, il faut que je vous raconte l'histoire de ce morceau. Ah non, je te disais qu'on a travaillé. En fait, on était à Marseille, on écoutait plein d'instrus. Et ce morceau, Et c'est vrai que c'est moi qui enregistre le yaourt. Ouais, tu vois? Parce que son ah ouais, prénom, ouais. C'est maintenant que je viens de m'en rappeler. Quand on travaille ensemble, il est ingénieur du son. Il a plein de casquettes. C'est vrai. Et elle est arrivée, dès qu'elle a écouté l'instru, elle s'est mise au micro. Direct, elle a eu le yaourt, elle m'a mis les frissons. J'étais juste, on était comme moi et elle dans la cabine. Elle m'a mis les frissons. Elle est repartie chez elle, elle m'a dit j'ai écrit le morceau, elle me lâche au téléphone. J'avais les frissons, j'étais là, j'ai dit waouh. Mais ça a été une évidence comme ça, ce morceau, en tout cas avec le son? Franchement, ouais. Et sur l'album, il y a eu pas mal d'évidences comme ça. Et c'est des choses qui faisaient tilt. Et voilà, ouais. Ça le faisait direct. Et donc, je tiens à remercier Sopra aussi ce soir, parce que on a tous des périodes de doute, tu vois. On en a parlé hier, Fred, quand on est artiste, des fois, voilà, on est un peu entre deux émotions, quoi. On croit plus trop, etc. Et Sopra, franchement, c'est un des premiers à m'avoir reboosté, à m'avoir donné confiance en moi. Et c'est important d'être bien entouré, donc j'ai la chance de l'avoir. Voilà. Merci, c'est obligé. Elle a une voix de folie, un charisme de folie, des textes magnifiques. Et moi, je trouvais, comme je lui ai dit la première fois quand on a travaillé sur le projet, je lui ai dit, j'abandonne pas tant que tu n'es pas en haut sur le trône. J'abandonne pas, je lâche pas. C'est bien. Ouais, franchement, c'est... Ça rebooste, en tout cas. Complètement, ouais. Franchement... faut y aller, quoi. Donc on est ensemble. Et d'ailleurs, vous serez aussi en commun sur cet album Thug Wife, puisqu'il y a aussi un morceau qui est arrivé parmi les tout premiers. Voilà, c'était le premier extrait. C'est le premier extrait, même d'ailleurs, de l'album, avec les images qui vont avec. Ouais, c'est ça. Il y a le clip aussi. Donc le titre, c'est No Money. Mmh. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le découvrir, c'est un titre street avec une énergie vraiment Très particulière. Yes. Et ben, on va peut-être le passer maintenant. Ben voilà, on va se le passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais avec plaisir. No Money. No Money, c'est le morceau qu'on... Et puis dans quelques minutes, juste après le morceau, on fera un petit... puisqu'on est à quelques jours maintenant de l'ouverture de la Coupe du Monde, il y aura un petit quiz foot. La semaine dernière, tu as eu le droit avec les Magic System. Tu as remporté d'ailleurs, je crois, Sopra, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Aina. Ah non, c'est Aina qui a fait Renard de Surface. Merci de penser à moi, c'est pas moi. Renard de Surface et qui t'a taclé dans la fin. C'est direct. Donc là, on va voir si tu vas être plus fort face à Kaina. Tu ne remets pas ton titre en jeu, malheureusement. Ça devrait aller, ma foi. Tant que Momo ne dit pas les réponses en traite, ça va, il n'y a pas de problème. Quiz Mais Momo, c'est mon pote, il est capable de me donner les réponses. Hein, Momo? T'es foot, toi, Kaina, ou... Ben, écoute, plutôt pas trop. J'aime bien les matchs, tu sais, importants. Ou les matchs dont tout le monde parle. Coupe du Monde, ouais. C'est où il y a de la... Tu vois, il y a de l'ambiance, quoi. Après, tout ce qui peut se passer en Ligue 1, etc. Bon, ouais. Je vois un peu les titres sur les journaux à gauche à droite, mais je Tu as su pour Marseille, t'as suivi. Alors, qu'est-ce qui La dernière journée de championnat. Bref, nous pouvons continuer la conversation et écouter des morceaux. Non, je vais expliquer pourquoi. Mais qu'on parle de l'OGC Nice aussi. Ouais, l'OGC Nice, ouais. Non, mais attends, faut préciser un truc, c'est surtout que j'étais pour l'OGC Nice le dernier match. Ah, vas-y, précise. Allez, Nice. Eh oui, j'étais pour Nice, pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il passait, on était bien. Mais bon. Mais bon. Et malheureusement, Momo a fait beaucoup de gris-gris pour que Mandanda soit blessé. Ouais, non, ça passe pas la Coupe du Monde. Ça, c'est d'une tristesse. Alors attends, moi qui suis supporter parisien, c'est d'une tristesse son nom. Franchement, je trouve ça terrible parce que voilà. Il était prêt à partir, le pauvre Mandanda. Non, mais ça va, je vois de la sincérité. Non, mais quand ça même. Va. Non, ah, mais je trouve ça terrible. Ah, une grande pensée à Mandanda. Ah ouais, une grosse pensée, parce que je trouve ça horrible quand t'attends une échéance comme ça pendant 4 ans, tu vas y être, tu vas vivre le truc. Ça doit être une... C'est très très dur. C'est une sacrée épreuve. C'est très très très très dur. Surtout que pour lui cette année, c'était aussi un peu dur. Voilà, là, justement, c'était un peu le truc qui allait lui faire évader de la. Ouais, il changeait un peu la tête, donc voilà. Tout ça, donc voilà. Mais dommage. Bon courage en tout cas. Et ben, là-dessus, on peut lui souhaiter beaucoup de courage et qui se remet. Steve, c'est la faute à Momo de ce cas-là. Je te le dis de suite, il a payé le mec qui t'a blessé. Voilà. T'as pas de micro, Momo. On t'envoie Momo dans le sud cet été, ne t'inquiète pas, il sera sur les plages marseillaises. Facile à reconnaître Momo sur les plages marseillaises. On écoute le morceau avec Sopra, c'est parti, coup d'envoi. Ok, c'est No Money. Ça sort le 23 juin dans les bacs. Thug Wife. Perdu et isolé, à mes 18 ans, moi j'ai vu tous mes rêves s'envoler. de monnaie. Tous les jours à que t'es parlé, t'as besoin de monnaie. Quand le ventre crie, difficile de le baïonner. Surtout quand c'est celui de mes héritiers, mes bébés. Faut la CB d'un fouteux pour mes projets. Fatigué de toujours encaisser que des rejets. Ici tout va mal, blasé de la life. Besoin d'une péridurale pour que tous mes rêves puissent accoucher. Ma couleur de peau, mon soif, mon adresse. M'ont souvent fermé les portes, des lits de faciès. Toujours voulu dans les poches, des liasses de l'espèce. Ça fait pouvoir mettre à gauche, remplir mes assiettes. Mais les années défilent et là je suis épuisé. J'ai perdu l'espoir de voir mes chaînes brisées. J'ai perdu la force de croire à mes heures de gloire. Je veux pas qu'on puisse me voir m'enliser. La vie m'a épuisé. J'répète, la vie m'a épuisé. La vie m'a épuisé. J'ai besoin de canaliser. Besoin de canaliser. Besoin de me réaliser. La vie m'a épuisé. La vie m'a épuisé. La vie m'a épuisé. J'répète, la vie m'a épuisé. La vie m'a épuisé. J'ai besoin de canaliser. Besoin de canaliser. Kaina sont pas sur Sky. Kaina sont pas sur Sky. Ah, l'album c'est une why. Et moi c'est Kaina. Avec mon souffle, on est là. Avec Sopra. Ça fait du bien, regarde les supporters qui sont là. Je tenais à préciser, ils vont entendre la dédicace. Parce que Kaina sur internet, c'est un truc de fou. Ah, sa oui. team, c'est un c'est truc de fou. Bah, hier. C'est un truc de malade, je te dis la vérité. On voit défiler les messages justement Diez Kaina Samet sur Skyrock. J'ai dit Diez, tiens, hashtag. Ouais, hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Diez est sorti naturellement. Hashtag. Hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Hier, Kaina a été classée bien évidemment. Troisième TT. Donc on peut encore faire mieux ce soir. Allez-y. Ce soir, on fait premier TT. Allez, on y va, on y va. Allez. Oui, tu disais sur Praxuma, je t'ai coupé en plein élan. Non, j'étais en train de dire qu'elle a vraiment des vrais supporters sur le net. C'est un truc de fou. Ils font vraiment. Il y en a, je vois maintenant des visages. Ouais. Tu vois que. Attends, mais rien que je vois les noms. Sur internet, c'est un truc de fou. Rien que les noms, il y a les Kaina Soldiers, il y a la brigade Kaina Samet. C'est une armée, quoi. Et ils sont aussi dans le studio, donc ça tombe bien. Ce n'est pas que du virtuel aussi. C'est vrai que ça fait plaisir. Et je pense qu'ils sont même pas tous là. C'est ça le pire. Ouais. Et puis quand je vois le téléphone sonner aussi, je me dis que ça n'arrête pas en fait. Ouais, c'est vrai. Puisqu'hier, on a filé le portable de Kaina. C'est vrai. Et ça répond et tout. Ah bah oui, t'as répondu hier soir. J'ai répondu, aujourd'hui aussi. Voilà, gros bisous. Tu dois avoir des milliers de textos. Ah ouais, il y en a. Ça n'arrête pas en fait, regarde, le truc n'arrête pas de sonner. Tout à l'heure, je vais faire quelques dédicaces. C'est quoi déjà 06 66 41 Ah non, 06 66 31 92 44. C'est ça, ouais. 06 66 31 92 44. Voilà, c'est mon numéro jusqu'à la sortie de l'album. Vous pouvez m'appeler, je vous réponds. Vous m'envoyez vos messages. Je vais faire quelques petites dédicaces tout à l'heure. Et il y a aussi le concours Facebook, donc on n'a pas à reparler tout de suite. C'est vrai. Alors comment ça marche? On a eu déjà. Alors écoute, oui, il y a déjà eu quelques vidéos. Qui sont arrivés, donc je vais checker ça demain, je pense. Donc rappelle-nous un peu le principe du concours pour venir dans l'émission vendredi. Voilà, pour venir dans l'émission vendredi, chanter avec moi en live le morceau Mon Paradis. Tu prends ton smartphone, tu te filmes en train de chanter le premier couplet et le refrain de Mon Paradis, et tu envoies ta vidéo à l'adresse mail jeconcourskainasamet@gmail.com. Tout ça attaché et jeu au singulier. Et toutes les infos sont sur mon Twitter et mon Facebook officiel aussi. Hein. Bah nous, on l'a mis aussi, hein, Momo, sur voilà. planetrap.skyrock.com. Vous l'avez mis aussi sur le site de Planète Rap. J'espère, je pense. Et donc, moi, je vais checker toutes ces vidéos d'ici vendredi. Je vais faire ma petite sélection et je vais prendre quelques jeunes chanteuses, quelques jeunes chanteurs avec moi pour chanter Mon Paradis avec moi vendredi. Et bah, loupez voilà. pas. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos sont sur, voilà, sur tes réseaux sociaux à toi. L'instru, les paroles. Oui, instru, tout, paroles. Tout est sur mon Facebook, tout est OK, voilà. Très bien, passons maintenant à ce petit jeu entre Sopra et Kaina, le petit jeu quiz spécial Coupe du Monde. Ouais. Chaque semaine, on va faire un quiz spécial Coupe du Monde, évidemment, c'est l'événement, ça approche d'ici quelques jours. Donc attention, petit quiz, est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Ah, Sopra, excuse-moi, il y a un Parisien qui a coupé ton micro. Qui... Je ne voulais pas. Ah, c'est tout à l'heure, voilà, il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Non, il n'a pas aimé, je crois. Donc moi, je ne suis pas prête, mais ce n'est pas grave. Quiz Coupe du Monde. Attention, vous avez le droit de ne pas souffler. Hein. Personne souffle. Hein. Momo, surveille un peu, tu es arbitre dans tout ça. Dans quel groupe se trouvent l'Algérie et la France? Bah, quel groupe? Je sais pas. Tilali Laloum. Non, ce n'est pas le groupe Tilali Laloum, bien tenté. Le groupe je crois. Aïe! Groupe H pour... Groupe H pour un des deux pays, donc. Le groupe H pour la France. À mon avis, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. L'Algérie. Bravo, Kaina. Et le groupe E pour la France avec la Suisse, l'Équateur et l'Honduras. Et l'Algérie est avec la Belgique, la Russie et la République de Corée. Donc qu'est-ce qu'on en pense? On a nos chances ou comment ça se passe? Pour l'instant, 1-0 pour Kaina. D'accord. Non, mais elle parlait pour l'Algérie. Ouais, pour l'Algérie. Ils ont déjà gagné la Coupe du Monde. On a gagné. C'est pas vraiment gagné pour l'Algérie. Aïe, aïe, aïe. Eh ben tiens, justement, on va rester au pays. Ok. À combien de phases finales a participé l'équipe d'Algérie, sans compter celle-là? Attends, laisse-moi me concentrer. Non, si tu. Kaina. 3! Bon. Parce que 1, 2, 3, viva l'Algérie! Bravo, 82, 86 et donc 2010 pour l'Algérie, donc 4 avec celle-ci. Attention, mais je suis en train de montrer les réponses, moi. Ah merde! Bon, Sopra, on active un peu parce qu'il y a 2-0 pour l'instant. Ouais, mais quand même. Moi, je vais laisser gagner. Questions pour Sopra. Combien y a-t-il d'équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde au Brésil? Non, il est en train de me dire Hamza, si un quelqu'un. Vraiment, il est là pour me protéger. Voilà, il m'aime bien, tu vois. C'est... Donc tu nous dis, Sopra? Je pense, mais je suis pas sûr. 5. Je suis 5. Pas sûr. Hein. C'est ça, Algérie, ouais. Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria. Attention, celle-ci va être très simple, surtout pour Kaina. Ah. Quel est le surnom de la sélection algérienne? Les Fenech. Ah. Ouais. 3-1. 3-1. Oh merde. Et allez, reste deux questions. Quelle est la couleur du maillot algérien? Alors, je serai. Nous, en France, c'est les bleus. Hein ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a l'extérieur ou l'intérieur? Non, ouais. la couleur officielle, après. Alors, je serais tenté de dire vert, mais je vais dire blanc. C'est blanc. Ah ouais? ma reconversion dans le journalisme. Mais ça y est, c'est fini. Maintenant, tu vas faire des trucs de foot, c'est fini. Voilà. Bon, allez, de toute façon, t'as gagné 4-1. Les dernières questions pour Sopra, c'est juste pour l'honneur et tout, pour sauver l'honneur. Mais on est ensemble. Combien y a-t-il de Marseillais pour le mondial dans l'équipe de France? Ouais, mais maintenant, il y en a un en moins. Voilà. Ouais, et un en moins, mais il y en avait combien? Il y en avait deux. Voilà. Ça fait qu'il y en a un. Et oui, puisque c'est Valbuena qu'on salue aussi. Voilà. Mais ça m'étonne pas que tu m'aies posé cette question. De toi, ça me. Bon, grande gagnante. On t'attend donc la semaine prochaine, tu reviendras, Sopra. Pour... C'est qui la semaine prochaine? La semaine prochaine dans Planète Rap, c'est une bonne question. C'est l'entourage, voilà. Ouais, mais je vais dire à Dean de me représenter au maximum. Voilà, demanderas à Dean d'Orbigot. Mais je sais qu'il m'a laissé gagner, faut le dire. Hein. C'est mon ami, il est comme ça. Bon, écoute, c'est comme ça. Faut pas le dire, après, ils vont croire pour de vrai. En tout cas, allez l'Algérie, allez la France, et puis voilà. Mais l'Algérie, j'ai gagné. Donc... Ouais, c'est vrai, mais c'est histoire de placer le pays. C'est ça, t'as raison. Le pays. Bon, allez sur Skyrock, bougez pas dans un instant, on va revenir. Qu'est-ce qu'on mettra, Kaina, de l'album, parce qu'on a plein de choses à passer. On a un medley, je crois, avec First Mike qui débarque. C'est ça. Il y a du live aussi que tu vas nous faire dans quelques minutes. C'est ça. Et on va passer aussi une version inédite de Bousillé. Bousillé remix. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à la base, avant que on a tellement travaillé ensemble sur ce projet, ouais, qu'on s'est demandé sur quel titre on allait faire notre collaboration, tu vois. Mais si on avait pu, on aurait fait tout un projet ensemble, tu crois? Ouais, facile. Facile. Et encore, il y a d'autres trucs. Et ouais, on n'en parle pas. Voilà, j'en parle pas. Bah attends, c'est quoi, c'est un album en commun? Pas quand on lui dit ça. Soprano Kaina, l'album en commun? Non, c'est pas ça, mais il y a d'autres trucs. Ouais. Écoute, voilà, chaque chose en son temps. Voilà, tranquille, doucement, les morceaux arriveront doucement. Mais je saurais, de toute façon, j'apprends de petit. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai appris par Magic System qu'il y avait un morceau sur ton futur album avec Magic System. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ils l'ont balancé, tu plaisantes, tu veux écouter l'extrait? Ouais, mais on arrive au studio. Je les ai eu en feinte. On arrive au studio, tout le monde dormait, on était tous KO. Donc, c'est pas sûr. Ne mets pas des doutes dans la tête des gens. Bon, bougez en pas. En tout cas, une chose est sûre. Voilà. Bousy et Remix, ça c'est sûr. Bousy et Remix, ben, restez avec nous. Et voilà, n'oubliez pas que l'album Thug Wife sort le 23 juin, qu'il est dispo en précommande. Et on peut aller cliquer maintenant. Allez-y. Allez cliquer pendant que First Mike fait son entrée dans le studio. Yeah! Donc le live va se préparer. Medley aussi de Kane Samet à écouter dans quelques minutes, réalisé par First Mike. Bref, ne bougez pas. Le Planet Rap continue après ça. Yes. Kaïla Samet a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Kaïla Samet, notre invité un mois avant la sortie de l'album Thug Wife qu'on découvre avec Soprano qui est passé aussi ce soir apporter toute sa force comme il l'a fait d'ailleurs autour de cet album. Ouais, bien sûr. Et comme depuis très longtemps aussi à tes côtés. Voilà, et plus que jamais. The Queen is back. C'est gentil. Elle est avec nous et on va écouter d'ailleurs ce morceau Bousy et Remix. Voilà. Où on retrouve aussi Sopra. Ben écoute, ouais, c'est une exclue. Hein. Franchement, à part ici, on va plus jamais le penser, je pense. Ouais. Voilà, donc grosse exclue pour Planet Rap. Celui-ci sera pas sur l'album non plus ? Si, il sera sur l'album, mais sans Soprano. Sans Soprano, ouais, il y a la version Bousy qu'on connaît. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Mais sans Soprano. Voilà. Ah, c'est vraiment une exclue là que tu as vu. Ah, oui, c'est vraiment une exclue. Yes. Attention. Eh ben, merci. Non, mais avec plaisir. Écoute, faut partager. C'est vrai que c'est dans nos disques durs. Nous, on a fait nos monnaies, donc j'ai préféré. Ouais, c'était mieux de mettre nos monnaies pour son retour. On voulait un côté plus. Ouais, un côté. Voilà, Kaïna énervé. Voilà. Donc c'était bien. Eh ben, on écoute maintenant Bousillé Remix avec Soprano. Donc grosse exclue sur Skyrock. Celui-ci, vous l'entendez maintenant. Après, vous l'entendrez plus. Ouais, c'est ça. Donc profitez-en. Voilà. C'est sur Skyrock dans Planet Rap. Bousillé Remix. Il avait les mots, j'étais sous le charme, ado sous le préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme, il était mon héros. J'ai masqué les bleus sous le mascara, j'suis tombé de très haut. Vivre sous les coups d'un homme est un fléau. Bousillé, ma bousillé. Ça c'est fini. Je ne me laisserai plus jamais faire. Bousillé. C'était lui ou moi. Je l'ai su trop tard. C'est pas mon Roméo. Méo. J'ai perdu du poids. Je faisais peine à voir. Le moral est zéro. J'aurais pu m'enfuir. Mais j'ai fait le choix de ranger mon ego. Libre sous les coups d'un homme est un fléau. Bousillé. Ma bousillé. Bousillé. Qu'un jour il en vienne à me tuer. pas plus lâche qu'un homme qui tape une femme. Que ça soit par amour ou par fierté, je sais que tu l'aimes malgré tes larmes, mais faut que tu retrouves ta dignité. Réveille-toi, c'est des coups, pas des caresses. Ne me dis pas que demain ça va aller. C'est pas comme ça qu'on traite une princesse. Tu mérites un roi, la bonne vallée. Quitte-le, barre-toi. Le paradis c'est pour les anges, l'envers c'est pas pour toi. Fuis-le, casse-toi. Si tu veux pas que ta fille devienne sa nouvelle proie, montre-lui que t'es une femme forte, pour qu'elle grandisse en voulant te ressembler. N'aie pas peur, vas-y prends la peau, et montre-lui qu'il ne pourra plus te bousiller. Le Bousillé Remix à l'instant. Morceau dur aussi et bon de voilà de ouais. bon de rappeler malheureusement certaines choses. Il y a je crois, plus de 400 000 femmes qui sont battues chaque année ici en France. Voilà, des femmes aussi qui perdent la vie sous les coups qui perdent la vie. Je crois que malheureusement c'est une tous les deux jours ou trois jours. Enfin, c'est un chiffre qui est assez hallucinant. Aberrant, voilà. Donc écoute, si ce titre peut donner la force, c'est vrai que moi c'est une amie proche en fait qui a vécu ça très près. Voilà, et puis après c'est vrai que dans des relations amoureuses, parfois on peut avoir une certaine forme de violence, mais une violence verbale qui peut parfois faire plus mal que des coups. Donc tout ça s'est bousculé un peu dans ma tête, et quand j'ai reçu la prod et que j'ai vu ce chiffre, donc parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, enfin il y a des périodes tu vois où dans l'actualité ça ressort un peu, ça m'a inspiré ce titre, et je, enfin comme tous les titres que je fais, il y a beaucoup d'émotions, et donc courage à toutes celles à qui ça arrive, et puis voilà quoi, faut se barrer quoi. Et faut surtout pas rester sous les coups, voilà, même si parfois c'est dur, même si ça peut être compliqué, parce que bien sûr plein de femmes qui sont en détresse, et voilà, il faut avoir une force C'est pour ça que dans ce titre je résume tout en disant tout ça c'est fini, je ne me laisserai plus jamais faire. C'est le côté positif du morceau, voilà, il nous arrive des choses, on peut faire des mauvaises rencontres, l'amour c'est assez particulier aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, c'est un titre important pour moi. C'est le deuxième qu'on a sorti. J'ai eu beaucoup de retours sur ce morceau. Donc je remercie encore tous ceux qui ont pu envoyer des messages et me témoigner leur soutien, voilà, sur ce titre. Sopra, tu voulais jeter quelque chose? Magnifique, ce morceau. La première fois que me l'a fait écouter, ça fait longtemps en plus. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Le flow, j'aime trop. Franchement, il est très très bien. Et en plus, donc grosse exclu, puisque c'était le morceau avec la version de Sopra qui sera pas sur l'album. Non, qui sera pas sur l'album. Il y aura Bousillé. Il y aura Bousillé, mais pas avec Sopra. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette grosse exclu à l'instant dans l'émission dans quelques minutes. Un mix réalisé par DJ First Mike. Voilà. First Mike. Ne bougez pas. Juste avant, il y a Jalal de Limoges par téléphone. Salut Jalal. Salut. Ça va bien Jalal? Ça va très bien, merci. Eh ben écoute, bienvenue. Il y a Kaina Samet, c'est son Planète Rap. Un mois avant la sortie, elle est là. Salut Jalal. Ouais, Sopra aussi qui nous a rejoint ce soir. Salut aussi. Salut Sopra. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors bonne chance mon ami. Allez, c'est parti. C'est l'heure du freestyle par téléphone. On t'écoute. Ok, oui je me dessine sur un cahier, j'ai fini de rigoler, ça y est, jouer petit krill, hein, je suis devenu super saiyan et je suis underwater to Zion. Pendant que mes rêves opèrent, ils nous comparent et savent qu'on ne récupère pas les filles qu'on perd. Mes compères vous le dire, on vous serait jamais les potes, souvent perdu entre mes rêves et mes délires de gosse. À chaque minute on savoure, je veux les billets, les chèques, je veux que le succès me drague et la réussite me check. Wicked, on connaît pas l'échec, Limoges vous le dira, demande à Jack Sparrow, j'ai la mentalité pirate et piranha dans la piscine, mon futur se dessine, écoutez par les mecs honnêtes et les vendeurs de résine pour mes rebelles si mal, on dira pas qu'on vit mal. Y'a que quand je fasse une nuit blanche que j'y manque. Et ma rime est folle. Si le succès ne s'achète pas, il se peut qu'on le vole. Et je veux qu'une cyborg me dise: tu rappes comme un robot, si j'équipe à deux jours d'affilée ta gueule, je suis en repos. Et les gars, ça kick. Peut-être emballé vos pailles à l'ancienne. Deux niveaux d'écart, couillon, je suis Paris, c'est Valenciennes. Des bêtises à balancer. Je suis taillé comme un arc, posé dans le sud, pépère. Je vais laisser partir au lac. Full hella comme dit Melac. Je suis un putain de péno. Si tu mets pas une banane, ne me tire pas le péno. Fast life, ok. Tu veux me buter, fais le vite. La vie ne fait pas le moine, donc l'argent ne fait pas le X. Lego. Et je vois le monde en Black, Black Sir, tête de mort sur un drapeau, j'ai volé le Black Sir, le Black Sir. Que des fils ont vous galéré, nous maîtrisons. Fais pas le fou, y'a qu'au Monopoly que t'as vu la prison. Disons que je suis plutôt fou, mais fais pas le qu'on déconne pas. Wicked, tu ne nous rattraperas pas. Ok, Jalal à l'instant. Franchement lourd. Bon, l'instru elle est compliquée en plus hein. Ah ouais. Ouais. Ah, merci beaucoup. Très lourd hein. Sincère hein. Lourd. Merci beaucoup. Ah ouais, il y a du contenu, il y a du flow. Franchement, ouais. Prise de risque sur l'instru et tout. Félicitations. Bravo Jalal. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est bien, tu pourrais jouer. Ouais, tu pourrais comme Sopra l'a déjà fait. Tu l'as vu à l'époque dans cette émission sur France 2. J'avais vu, c'est intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Avec notre expérience, c'est vrai que il y a des choses qui sont un peu plus évidentes pour nous quoi, on va dire. Ah ouais. Mais là, elle est assurée. Ouais, bah, bravo à toi, Jalal. Ouais. Merci, ça me touche. Merci, c'est sympa. Petit dédicace, petit message, petit. Je vais faire déjà je vais donner un gros soutien pour l'album de Kaina. Merci beaucoup. Une grosse dédicace à Soprano. Bien, mon ami. Ça paraît anodin, mais c'est une des personnes qui m'a donné envie de commencer à faire du rap. Donc, merci, mon frère. Donc merci beaucoup. Bah c'est jamais anodin. Regarde, il tue Jalal. Regarde les messages. Jalal. Soprano, je pense qu'en plus c'est jamais anodin, même quand on dit ça. Ça fait toujours du bien de l'entendre. Mais bien sûr, ça fait super plaisir. Surtout quand c'est quelqu'un parce que ça se sent qu'il est passionné. Moi, c'est ce que j'essaie de donner aux gens, tu vois. Et là, je le sens, il est passionné. Il avait envie de manger le micro. Ça fait plaisir. Eh ben merci à toi, Jalal. Merci beaucoup et puis dédicace à toi, Fred. Ouais, Fred aussi, on est Dorian. Et bah, bon courage pour la suite, on t'attend, Jalal. Beaucoup, merci. Bon courage. Tu files l'adresse internet où on peut te retrouver? Ouais, bah, j'ai un Twitter, Jalal Music, J-A-L-A-L Music, M-U-S-I-C. Et, bah, et là-dessus, il y a tout le contenu, il y a tout ce que je fais. Bon courage pour la suite, à bientôt, voilà. Jalal. Merci, salut. Ciao. À bientôt. On va écouter ce medley réalisé par First Mike. C'est quoi? C'est un medley. Toi, alors, tu l'as écouté déjà ou pas? Tu l'as. Écoute. C'est une surprise un peu. C'est une surprise un peu. First Mike, prends donc le micro alors. On t'écoute, on écoute ta belle voix. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce medley que tu nous as préparé? Pas mal de morceaux du nouvel album. Mm-hmm. Quasi tu es des. Mm-hmm. C'est ce fameux medley où on va retrouver. C'est un peu le mix Thug Life, on va dire, avec. Comme l'album sort dans un mois. On va découvrir plein de choses en fait dans ce medley. Ouais, c'est vrai. Arrête, Pas mal d'exclus. Ah, bah, préparez à envoyer plein de messages avec Kaina Samet sur Skyrock. Vous allez pouvoir découvrir l'album résumé en combien? 3-4 minutes, c'est ça? Exactement, ouais, 4 minutes. Donc, 3-4 minutes, l'album résumé par First Mike. Eh ouais. On y va, ça va être un jugement parce que les gens vont commencer à dire: ah, j'ai entendu cette prod, mais qu'est-ce que tu cherches à faire, Fred, là, en fait? Pas me mettre la pression, mon album, il tue. C'est vrai, t'as raison, laissons parler ce son. Laissons parler la musique. Il avait les mots, j'étais sous le charme, ado sous le préau, préau, préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme, il était mon héros, héros, héros. Son masque est bleu, il me masque un fléau, fléau, fléau. Bousillé, bousillé, bousillé, il m'a bousillé. Incapable de me parler. Et toi tu fais ta life. Et moi j'ai laissé aller. J'ai dû faire avec tes défauts. Mais je ne vais plus chialer. Supergirl. Hey, Supergirl. Yeah. j'ai décollé. J'aimais ce que tu m'offrais. Nous deux, c'était trop vrai pour une fois. Et je ne cherchais plus aucun remède. Froide, blessée par les regrets. Le temps était si long et j'ai presque failli perdre la tête. Toi, tu es comme un secret. Ne partage pas ta ressuscité, mon cœur. T'es my love. Et ouais, t'es my love. We be all night. Love. We be all night. À l'instant, bravo. Bravo à First Mike. Voilà donc ce medley. Et alors, vous l'avez entendu, l'album qui arrivera donc le 23 juin prochain, Thug Wife. La trafic réserve, aussi, hein. Réserve plein de surprises. On l'a compris, on l'a compris. Il a mis des petits non, mais non, on l'a compris, plus, on l'a compris, moins. On l'a compris. Ouais. Il y aura Beyoncé sur l'album. Et Jay-Z peut-être aussi. Non, on sait pas. On sait il y aura peut-être Solange aussi. Et Solange, ah bah, ça. Ne prenez pas l'ascenseur, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Mieux éviter en ce moment. En tout cas, merci à First Mike. Ouais. Voilà, on a survolé un peu Bravo l'album. Bravo, First Mike, on a survolé l'album. Il y a pas mal de messages. Waouh, le medley, il est lourd, vidé. Bon, c'est dans un mois. Il y a aussi quelques surprises. Il y a pas eu tout l'album. Non. Vous l'avez entendu, c'est vrai que je déconne là-dessus sur Jay-Z, Beyoncé, le Drunkin' Love. Il y a deux, trois morceaux qui ont été arrangés par First Mike. Travaillé. Bref, faudra être là le 23 juin dans les bacs. Ah, ça fait plaisir, je vois des messages. Mon Dieu, les morceaux s'annoncent lourds. Eh oui. Ah ouais, ça fait plaisir. Et je te dis, ce medley, je kiffe. Merci First Mike, l'album est lourd. Ouais. Et bah allez-y, continue avec le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Avant de se quitter, on finit avec du live, Kaina. Ouais, on finit avec du live. T'avais promis du live. C'est vrai. Vous êtes prêts aussi derrière là? Vas-y. Allez, on y va maintenant. Bon, j'ai écrit un texte il y a une heure, on va essayer de voir si ça pose. Allez, on est en freestyle. Je sais pas du tout. On va voir, Sûr que ça va j'ai poser. Pas beaucoup de mémoire, moi. On va voir comment ça se fait. Allez, yes. C'est parti maintenant avec le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Vous réagissez à l'émission dans un instant. Diffoul aussi, à pas louper. Ah, là, on commence avec ma psychiatre. Ouais. Une grosse dédicace à ma psychiatre. Alonso Vicente. Ah, Sia. Sia. Pour nous deux. Dans tes yeux, l'hiver s'est installé, a pris des lieux. Plus aucun feu réchauffe ces vœux que l'on faisait à deux. Mais que t'est-il arrivé? Où est cette personne qui me faisait rêver, qui m'a appris à marcher? Moi j'y crois. Quitte à croire pour tous les deux. Yeah. Laisse-moi au moins porter ta croix. On remet des étoiles dans tes yeux. Oui, ces étoiles qui ont fait de moi. Quelqu'un de tellement heureux. Besoin que j'y croie. Ce sont tes rêves qui m'ont mis au monde et tes douleurs qui m'ont appris à parler. Ton timbre de voix m'a donné mon nom et et tes combats m'ont appris à marcher. C'est ta vision du monde qui m'a donné la vue. C'est en suivant tes colombes que j'ai trouvé la paix. Mais aujourd'hui, tu sais, je ne te reconnais plus. Je te sens abandonné. T'as tellement fait de concessions pour me faire connaître qu'aujourd'hui tu es épuisé, perdu. Des vautours ont picoré que c'est un temps sur la mer. Et aujourd'hui tu vis au royaume des déçus. Oui, je vois bien que t'as perdu la foi, que tu ne crois plus à nos derniers combats. Mais combien rêve que tu remettes ton prix pour retrouver enfin le vrai Saïd. Moi j'y crois. Laisse-moi, moi porter ta croix. On connaît des étoiles dans tes yeux. Mais ces étoiles qui ont fait de moi quelqu'un de tellement heureux. Besoin que t'y crois. Pour nous deux. Pour nous deux. Bientôt l'été, bientôt l'été. On s'en tournera dans toutes les gosses. C'est promis, déconnecté. Je vais me déconnecter. Déconnecté. Ils ont oublié que l'amour passera avant tout. Nana. Faut pas oublier que l'amour passera avant tout. Nana. Et je kiffe la life. Et je kiffe la life. Personne n'empêchera les gens de s'aimer, je crois en nous. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, on devrait céder, céder, céder, céder avant tout. Nana. Ouais, quoi qu'il se passe, on doit céder, céder avant tout. Nana. Donne du love avant tout. Nana. Et chaque jour que Dieu fait, fais-moi un smile. Oublie tous tes problèmes, laisse-toi aller. Sure. Don't you love Kaina sur Sky. Woo! Ne fixe pas de limites, ne perds pas ton temps seul dans le bar à fumer des clopes. Oh. Don't you love Kaina sur Sky. Du love. Sur Sky pour l'album Thug Wife, pour l'album Thug Wife, pour l'album Thug Wife. Attends, si t'es asthmatique, fais gaffe, elle va te couper le souffle. Un flow, timbre de voix unique, des rimes, des textes qui puent le souffle, des mélodies venues de Pluton. La reine reprend le guidon. Un album plein d'émotions, vite va l'acheter, pose pas de questions. Depuis le temps qu'on attend cet opus, loin des valeurs du showbiz. Est-ce l'album sans faire de hobbies? La maman venue de Denise Kaina. La lionne rancœur, le mental d'un bunker. Team de fou sur Twitter, Kaina. Ça met, Marie Dib, la j'ai française. Marie Dib, la j'ai française. Marie Dib, la j'ai française, Kaina. Dites bonjour à ma sista. Du R&B, c'est le cristal. Concurrence à ta la vista, crois-moi. Elle donne du love avec sa voix d'ange. Mais si tu la cherches, elle devient Kaina Solange. Chaque jour que Dieu fait, fais-moi un smile. Oublie tous tes problèmes, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Donne du love Kaina sur Sky. Sur Sky. Ne fixe pas de limites, ne perds pas ton temps seul dans le bad à fumer des clopes. The clopes. Donne du love. China Silk Sky. Do love. Woo. Do love. China Silk Sky. Do love. Love. Yeah. Woo. Bring me in. C'est une wave. Woo. C'est qui? C'est Kaina? Bah, c'est quoi? C'est Kaina? Oh c'est qui? C'est Sopra? C'est qui? Merci. C'est Fredo! Ouais! Merci! Merci à vous, en tout cas, une fois de plus, bravo! Merci beaucoup! À l'instant, live! Je crois que définitivement Jay-Z et Beyoncé peuvent rester dans l'ascenseur. Vous les avez remplacés à l'instant. Ça fait plaisir. Sur cette version, sur ce freestyle. Merci à vous en tout cas. Merci à toi Fred. Merci à tous ceux qui sont dans les studios. Ouais, merci à tous ceux qui ont envoyé des messages. Merci à France Mike. Une fois de plus. Voilà. Et juste je peux dire mon dernier mot quand même. Ah, avec plaisir. Bah, juste après je vais pas être là toute la semaine alors que j'aurais aimé être là tous les jours. Et bah, juste voilà. Après la roulette, t'ennuies pas. Kaina, c'est moi. Non. Tu veux le faire maintenant, ok, bah vas-y. Tu me coupes comme ça. Pardon. Ça y est, je suis vexé. Vas-y. Non. Je te laisse faire. Non, on va le faire à la fin après la Sky Roulette, t'inquiète. Allez, c'est parti, on fait tourner. Et après, le mot de la fin par Sopra, je dis plus rien, promis. Merci. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Sabrina de Montpellier, comment ça va, Sabrina? Ça va et vous? Bah écoute, en pleine forme, franchement, super Planète Rap, gros Planète Rap avec Kaina, l'album arrive je le 23 vois ça, juin. Mais je suis depuis le début et bravo, franchement bravo, c'est deux artistes que j'aime beaucoup, j'ai grandi avec eux, et c'est des artistes authentiques et qui parlent avec leur public et qui transmettent de fortes émotions. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ouais, voilà, ça touche. Ouais. C'est vrai, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ouais, bah Sabrina. Top. Bonne continuation, franchement. C'est gentil, merci. Top, tu peux même faire tourner la roulette en plus, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... C'est les places de ciné pour aller mater avec tes potes. Il y a 4 places en tout pour aller voir Godzilla, le film, événement, le film Skyrock qui est sorti la semaine dernière. Sabrina, c'est pour toi. C'est super, merci beaucoup, franchement. Félicitations. C'est génial. Merci beaucoup. Et ben, on te fait plein de bisous, Sabrina. À vous aussi, bon, prenez bisous, soin merci de vous. Sabrina. À très vite. Prenez soin de vous. Merci. On était à Montpellier à l'instant avec Sabrina et donc le mot de la fin, il est pour Sopra. Voilà. Ça, Kaina, c'est ma sista, elle le sait, je lui ai déjà dit 50 milliards de fois. Elle mérite d'être très loin. J'espère que ça va le faire, mais en tout cas je m'inquiète pas quand je vois tous les gens qui sont là, qui la soutiennent, ça fait super plaisir. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai poussé dans ses retranchements au maximum pour qu'elle lâche pas l'affaire, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc voilà pourquoi je me suis déplacé jusqu'à là pour lui dire lâche pas l'affaire, et je crois que je suis pas tout seul. Lâche pas l'affaire. Voilà mon mot de la fin. Tu peux faire ta roulette maintenant. Ça y est, elle est passée. Une autre encore. Non, regarde, j'ai un camarade qui voulait dire un mot aussi. Ah. Ouais, alors moi je voulais dire à tout le monde. Présente-toi déjà. Ah, déjà, je m'appelle Yacine, je viens de Marseille. Au plan là. C'est l'OM. Voilà, je vous conseille à tous l'album de Kaina. Merci beaucoup. Voilà, moi je vous conseille surtout pour cet été. Ouais. Donc voilà, c'est que des bonnes vibes qu'elle va vous apporter. Écoutez-le. Et voilà, je passe un grand bonjour à Reda, Dimitri, toute ma classe et toute la famille. Et voilà, il y a mes cousins, mes cousines. Et voilà, allez l'OM. Hein. Les Marseillais sont de sortie. Avec ce petit tacle, allez l'OM. Ouais, enfin, bon. Merci Kaina pour cette belle soirée. Merci, une fois Fred, de plus. Demain, cool. Ouais. De retour un petit peu avant 20h. Ça marche, on se revoit. Force Mike, bravo pour ce medley. On te retrouve demain. Mr. Force Mike, on veut entendre ta voix ici. Bah voilà, Force Mike. Mike. Ah, ça fait bizarre. Donc j'aimerais bien entendre ta voix encore une fois. Force Mike parle aussi. Oui, je parle. C'était le mot de la fin par Force Mike. Merci. Merci Kaina. Demain, merci. Et là, on va créer du full. Eh oui. Kaina Samet demain soir. Mais quelle ambiance! On se trouve au Vélodrome ce soir. J'ai entendu cette ambiance. Merci Tifoul. Merci Tifoul. Bravo. Salut Kaina, salut Soprano. Ouais. Salut. Et puis rendez-vous demain, avec encore plus d'ambiance demain. Eh ben écoute, encore plus. On va faire de plus en plus fort jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, c'est ça. Vendredi, tout explose. Voilà. Kaina Samet, gros bisous à toi. Bisous à toi aussi. Donc si j'ai bien compris, Jay-Z c'est Soprano et Kaina c'est Beyoncé. C'est qui fait Solange, Fredo? Non, mais je l'ai tabassé avant quand même. Ouais. Ah ouais. Je vais pas me faire remarquer une deuxième fois quand même. D'accord, on fait traîner dans l'ascenseur alors. Voilà. J'évite l'ascenseur depuis quelques jours. Je ne prends plus l'ascenseur. Ah, c'est ça. Fini l'ascenseur. Bon, ben merci à vous. Rendez-vous demain, juste avant 20h pour toi, Kaina Samet et puis Sopra. Très, très vite. Ah, très bientôt là. Très bientôt. Ah, très bientôt. Après le bouquin, l'album. Très bientôt. On sait qu'on a une surprise qui nous attend. Oui. De Sopra, on sait pas quoi. Bon. On a une petite idée, mais bon. Oui, on a une idée, oui, ça c'est sûr. On reste à l'écoute de Skyrock. Quoi, tout merci Sopra, merci Fredo, merci Kaina. Gros bisous Kaina. Gros bisous, bonne soirée. Merci, salut, ciao. Et ciao. C'est parti pour la Radio Libre. Vous nous appelez dès maintenant, on se retrouve en direct tout de suite. C'est Kaina demain, juste avant 20h. Ciao tout le monde. Ciao.